Pour vos différents travaux de chauffage et de plomberie, c'est l'équipe de Plomberie Air Maurice qu'il faut consulter. Une entreprise professionnelle en affaires depuis plus de 40 ans qui saura bien vous conseiller pour vos travaux. Toute notre équipe vous souhaite une bonne année, santé, bonheur et prospérité. Ce sont les vœux de l'équipe de Plomberie Air Maurice du 277 route du 1er rang, Albanel. 418-276-2204. Après avoir jasé avec Yannick Jean, Michel Tifo et Dominique Bauduc sur les ondes de CKJ, ils se sont entretenus avec Marc Denis pour parler des changements chez les Saguenay de Chicoutimi et on a également parlé du cas Charles Hudon. Donc on écoute cette entrevue. Hockey Junior. 16h31 minutes, notre invité est analyste au réseau des sports au hockey avec Pierre Houd, mais il est aussi le vice-président hockey chez les Sags. C'est d'ailleurs là-dessus qu'on va discuter avec notre invité, Marc Denis. Bonjour! Monsieur Tissot, comment allez-vous? Très, très bien. Qu'est-ce que tu retiens, Marc, du dernier mouvement personnel chez les Sags? Bien, une période de transaction qui a été mouvementée. Quoi que ce soit au niveau du nombre de transactions qui ont été réalisées, c'est vraiment au niveau de la qualité et de l'importance de la transaction majeure dans laquelle on est impliqué par la bande. Et le résultat franc, clairement, est à notre entière satisfaction. Pour ce qui est du reste, quelques petits ajustements. Toujours difficile de voir quitter des jeunes d'exception, des jeunes qui ont fait partie de l'identité des Saguenayens de Chicoutimi, mais des décisions hockey qui devaient se prendre néanmoins, Michel. Ben, à long terme, là, tout le monde y va de ses commentaires. L'an prochain, puis dans deux ans, toi, là, comme vice-président hockey, crois-tu que dès l'an prochain, les Sags seront très compétitifs? Ben moi, je pense que la période des transactions qui vient de se conclure hier, on la regarde sur les trois fronts et même dans l'immédiat, l'équipe est améliorée. Lorsqu'on considère les joueurs réguliers de la formation, seul Zachary Boutier a quitté et évidemment, il était un de nos deux gardiens de but qui, tous les deux, avaient non seulement le potentiel, mais des performances pour être gardien de but numéro un dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. On a ajouté un joueur de 16 ans qui s'appelle William Dufour, qui a été le sixième choix au total du dernier encadre de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, qui évoluait à la droite d'un quatrième trio à Rouen, mais qui aura des responsabilités augmentées, un temps d'utilisation également amélioré avec les Sags. Ce qui veut dire que dans l'immédiat, on s'améliore. À moyen terme, il est clair qu'avec des joueurs d'exception, comme on l'a mentionné, et le noyau de notre équipe, qui était malheureusement pour la plupart absent dans le match d'hier pour diverses raisons, là, mais qui sont toujours présents. On parle de Kotkov, Niadzef, on parle de Houd, évidemment, Shank devant le filet, et j'en passe. Ces joueurs-là seront tous de retour. Et à plus long terme, on vient d'en parler, là, trois des sept premiers choix du dernier repêchage qui sont dans la formation pour plusieurs saisons. Alors, on pense qu'on a accompli notre boulot et maintenant, il faut que ça se traduise par éventuellement les performances sur la glace. D'après toi, Marc, qu'est-ce que Yannick Jean devra amener dans l'équipe pour avoir une formation de premier plan? Ben, pour l'instant, c'est vraiment le développement de ces jeunes. Depuis le début de la forme de la saison actuelle, des joueurs comme Hendrix Lapierre, comme Théo Rochette ont évolué au sein du top 6 offensif, ont eu du temps de qualité en supériorité numérique et ont été insérés dans des situations critiques en fin de match. Ce sera la même chose pour William Dufour d'ici la fin de la saison, assurément. Et lorsque je ne parle que des joueurs de 16 ans, c'est pas parce que je veux m'y arrêter là, mais évidemment, ce sont les vedettes de demain, sans leur mettre de pression. Mais ce que Yannick devra faire, c'est s'assurer que ces jeunes-là gagnent en expérience de la bonne façon, apprennent des leçons, parfois à la dure, on en convient, mais d'apprendre les bonnes habitudes de travail, parce qu'ils sont bien encadrés par de bons vétérans. Pour ce qui est du reste, on va traverser le pont lorsqu'on arrivera à la rivière. Clairement, Yannick l'a dit hier de façon nette, on ne s'asseoira pas ici puis vous divulguez ce qui s'en vient, mais c'est sûr que la transaction, bien qu'elle soit finale dans le cas de Noah Dobson, ne l'est pas pour les Saguenayens de Chicoutimi, et on va continuer de s'améliorer au fil du temps. Vous comprendrez qu'on ne peut pas en parler aujourd'hui, mais les mouvements de personnel éventuels, on les fera quand on y sera rendu. Mais pour l'instant, on a entièrement confiance au groupe de joueurs qu'on a assemblé. On sait que les vétérans qui sont demeurés dans la formation, quoi qu'en disent les rumeurs, sont tous très contents d'être encore avec les Sags, et nous, on est très contents de les compter dans notre équipe aussi. Celui qui nous parle actuellement s'appelle Marc Denis, sa profession gardien de but. Est-ce que, puis on va demander à un spécialiste de gardien de but de nous parler d'Alexis Shank, est-ce qu'il a tous les atouts pour devenir un bon gardien de but dans la Ligue junior majeure du Québec? Parce que là, il devient notre gardien de but numéro un, là. Oui, assurément. Puis, on croit qu'il avait tout sauf le temps de jeu nécessaire. Et ça, je dis ça en tout respect. Zachary Boutier et lui ont été excellents pour nous depuis deux ans. Et Alexis Shank était un des gardiens, sinon le meilleur gardien de but au Canada pendant le premier mois de la saison régulière cette année. Mais il fallait trouver du temps de jeu également pour Zachary Boutier qui faisait du bon travail. Et lorsque l'horaire est devenu un peu plus chargé, C'est ce qu'on a fait. C'était presque un système d'alternance, même si on voulait que ça aille au mérite un peu. Maintenant, Alexis Chang devrait avoir une nouvelle approche au niveau de l'utilisation, mais pas au niveau de comment il se prépare pour les matchs. Il aura l'occasion de faire la différence plus souvent qu'autrement. Il aura la chance, c'est à lui que reviendra éventuellement l'occasion de jouer dans les séries éliminatoires 2019 de la Ligue d'hockey junior majeur du Québec, de nous amener, espérons-le, le plus haut possible au classement général dans la saison qui reste, parce qu'il reste un peu moins d'une moitié de saison, mais c'est encore beaucoup de temps. Bref, c'est à lui que reviendra cette tâche-là. Et oui, il a les atouts. Il a non seulement l'attitude, il a le talent, mais il a les habitudes de travail aussi pour y parvenir et pour devenir un excellent gardien de but numéro 1 dans la Ligue d'hockey junior majeur du Québec. Et comment analyses-tu la première moitié de saison des Sags? Un passage à vide au mois de mi-novembre jusqu'au début décembre qui coïncidait avec le premier voyage aussi dans les Maritimes et en Abitibi de notre groupe de jeunes. On parle d'un noyau très jeune. Ben, tous ces joueurs-là l'ont vécu pour la première fois. Puis je pense qu'ils se sont rendus compte à quel point c'est difficile ces voyages-là, Michel. Ça forme la jeunesse et espérons qu'ils vont avoir appris de l'expérience. Mais mis à part ce passage à vide qui malheureusement aurait jailli sur quelques performances, sur quelques matchs à domicile aussi. Depuis ce temps-là et avant, j'ai pas un mot à dire. Au niveau de la façon dont les joueurs se sont présentés, au niveau dont l'équipe est préparée également par le personnel d'entraîneur, et la réponse des gens. On a une augmentation considérable des assistances, on a une implication augmentée dans la communauté du Saguenay-Lac-Saint-Jean au grand complet, les Saguenay-Chicoutimi. On ressent vraiment que la fierté qu'on travaille depuis maintenant plus de 3 saisons à vouloir établir, elle est là, elle est présente. Et on le ressent lorsqu'on se présente au centre Georges Vézina. Le plaisir est revenu dans la bâtisse. Tu as parlé du passage à vide, Marc, en raison des voyages. Bon, tu as eu la chance de faire ce genre de voyage-là. Est-ce que l'approche se fait de manière différente après tant d'heures d'autobus? Ben après l'avoir vécu, oui. Tu sais, peu importe dans quel calibre, à quel niveau, pour quelle équipe, dans quel marché ils ont joué leur hockey, Midget 3, Midget Espoir, Bantam 3, peu importe, il y a rarement du voyagement comme c'est le cas, il y a rarement des déplacements et du décalage horaire comme c'est le cas quand on va dans les Maritimes, il y a rarement 3 matchs en 3 soirs comme quand tu vas jouer 2 matchs consécutifs contre Rouen, oui. Les meilleures équipes au Canada. Alors c'est vraiment là pour moi où l'approche est différente. La préparation, apprendre comment t'alimenter, comment te reposer, comment t'activer également physiquement. Et ça, c'est même pas le côté mental, on parle juste du côté physique. Alors, tout ça, ça se vit. Et on a beau l'enseigner, on pourrait s'asseoir sur des bancs d'école et leur expliquer, leur dire, mais tant qu'ils ne l'ont pas vécu, ben, c'est une autre paire de manches. Et pour les Niatifs, les Lapierre, les Rochettes, les Alexis Schenck, à qui on a demandé de jouer, qu'il avait peut-être pas fait aussi souvent l'année passée, ben, c'en était une première et on espère qu'ils vont avoir appris de cette leçon-là. Tu sais, quand je dis apprendre à la dure, ça peut se traduire par ça. Ça peut se traduire par des voyages en Abitibi. Bon, d'accord, on avait battu Val-d'Or, on n'est pas allé chercher de victoire dans les Maritimes. Ben, c'est ça. Ça peut se traduire à la dure de cette façon-là, mais tant que la leçon est apprise, je pense qu'il faut l'accepter. Difficile de ne pas parler des Canadiens quand on a Marc Denis dans notre vestiaire. Je sais que tu as un meeting de production pour le match de ce soir contre Minnesota. Vous avez un meeting de production dans une dizaine de minutes. Même avec un bon début de saison, Marc, le Canadien, au moment où on se parle, ne ferait même pas les séries. C'est pas évident de se classer. La lutte est féroce. La lutte est féroce dans la Ligue nationale. Donc, crois-tu qu'on va passer? Bien, c'est clair qu'il y a une parité. Puis c'est la première journée où le Canadien se retrouve à l'extérieur du portrait des séries. Quand on regarde ça objectivement, Michel, force est d'admettre que non seulement le Canadien a-t-il dépassé les attentes dans une première moitié de saison, mais on est en mesure de croire qu'ils seront de cette bataille-là probablement jusqu'au fil d'arrivée, probablement jusqu'au 82e match. Et si tel est le cas, ils auront accompli leur mission cette saison d'être plus divertissants, mais surtout d'être compétitifs à chaque soir. Force est d'admettre aussi que l'attitude renouvelée avec laquelle on nous a cassé les oreilles pendant l'entre-saison, ben, c'était réel. On avait un réel désir à changer. Sauf que c'est une équipe qui est différente. Je sais que tu regardes beaucoup de hockey aussi, tu regardes du sport, Michel. T'sais, force est d'admettre. On le regarde, le match. On se force pas à le faire parce que c'est notre travail. C'est le fun d'écouter. C'est le fun d'écouter. Oh, ouais. Les Domi Tatar, là, tu sais, c'est. Puis le retour de Weber, le retour de Weber, ça paraît, là, tu sais. Le retour de Weber s'assure qu'à la défense, tout le monde est dans la bonne chaise. Tout le monde est à la bonne place, ou à peu près. Là, il y a peut-être une petite lacune du côté gauche. Là, ça, il faut en être honnête aussi. Du côté droit, tout le monde est à sa place. Ça vient aider le gardien qui a retrouvé ses moyens au mois de décembre, oui. qui fait partie de l'élite à nouveau après un début de saison quasiment aussi difficile que la dernière saison. Mais pour ce qui est du reste, ben, c'est une équipe qui va se battre jusqu'à la toute fin. On l'a vu, c'est pas la puissance de frappe d'une équipe comme le Lightning ou les Leafs de Toronto, mais c'est une équipe qui, avec ce caractère-là, va pouvoir se battre jusqu'à la toute fin. Marc, il nous reste 2 minutes. Il y a un sujet de conversation ici. Tu comprendras qu'on parle souvent à Charles Hudon, là, qui est un gars d'Allemagne, qui a joué pour les Sags, mais il ne joue pas avec le Canadien de Montréal. D'après toi, là, est-ce que le Canadien devrait l'échanger? Qu'est-ce qu'on doit faire avec Charles Hudon? Et on n'a pas confiance. Michel, tu sais, mon jugement dépasse quand je parle de Charles, parce que quand j'étais adjoint brièvement là, pour terminer la saison avec Carbo derrière le banc des Sags, il était là, Charles. Fait que, tu sais, je l'ai coaché. C'est clair que je reconnais les qualités de Charles Hudon. Je comprends qu'il peut avoir certains aspects à travailler encore défensivement, mais pour moi, c'est un joueur qui est capable d'amener de l'énergie. C'est un gars qui a un potentiel offensif. Quand on regarde ses statistiques totales aussi, on voit qu'il y a une production qui noircit la feuille de pointage, que des gars, certains ne sont pas capables de faire et ont pourtant une place et un rôle. Quand je regarde, tu sais, je veux pas parler contre les joueurs qui sont là parce qu'ils ont fait un bon travail, surtout au sein du quatrième trio. Charles Hudon, on lui demande d'être patient, parce qu'il pourrait se retrouver au sein d'un top 9 s'il y a une blessure, mais la vérité, c'est qu'un gars comme Armia revient, il a sa chance immédiatement. Je trouve ça difficile. Moi, je pense que Charles Hudon est un joueur de la Ligue nationale de hockey. Maintenant, est-ce qu'il doit en donner plus au niveau de la constance dans l'effort à chacune de ses présences? Fort probablement. Mais j'aimerais ça voir qu'on lui donne la chance. Et ici, avec le Canadien, pour être honnête, Michel, mais si c'est sous d'autres cieux, j'ai lu les articles récemment, je pense qu'ils viennent de sources bien informées qui disent qu'il espère un changement. Moi, je pense que le changement qu'il espère, c'est surtout celui de voir son nom. Il veut jouer. La formation par Marc Denis, merci beaucoup. On va t'écouter ce soir avec l'hockey du Réseau des sports. Merci beaucoup. Salut, merci. Michel. Salut. Marc Denis, toujours très...